J'en appelle à la postérité qui nous juge, les uns et les autres. J'en appelle à tous les peuples qui ne peuvent pas indéfiniment se laisser vendre comme un vil bétail. Bravo ! J'en appelle à l'épée de tous les gens de cœur qui, le plus tôt possible, déchireront ce détestable traité. Ouais ! La séance est ouverte depuis le théâtre du Vieux Colombier à Paris avec les comédiens de la Comédie Française. Le 1er mars 1871, l'Assemblée nationale à Bordeaux décide de la cession de l'Alsace et de la Lorraine. Après le désastre de Sedan, Paris a solennellement et unilatéralement proclamé la République le 4 septembre 1870. Mais s'est aussitôt retrouvé assiégé, tandis que Metz était livré. De puissantes levées d'hommes permettent cependant de constituer plusieurs armées qui sauvent l'honneur et retardent l'échéance. Thiers, peu convaincu par l'efficacité de ce sursaut, commentera plus tard « Paysans, citoyens, quelque courageux qu'ils soient, s'ils ne savent pas la guerre, ne peuvent être de vrais soldats ». France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie Française, Jean Lebrun. Au sein du gouvernement provisoire, les partisans de l'armistice l'emportent. Celui-ci est signé en janvier 1871 et aussitôt, Bismarck fait couronner Guillaume de Prusse, empereur d'Allemagne, à la Galerie des Glaces à Versailles. Habilement, l'Allemagne demande que la paix soit adoptée et garantie par une assemblée nationale française. Reste à l'élire. Le scrutin se tient le 8 février 1871 sous la surveillance des vainqueurs dans les 34 départements alors occupés et partout dans un climat d'abattement et de fébrilité tout à la fois. 150 députés républicains seulement sont élus. Vous allez entendre plusieurs d'entre eux, Edgar Quinet, Louis Blanc, Victor Hugo, rentré d'exil. Mais les légitimistes, les partisans du comte de Chambord sont plus nombreux. Et les orléanistes, attachés au principe tout de modération de la monarchie de Juillet, encore davantage. Thiers, qui a survécu à tous les régimes, est à son aise dans ce petit monde qui siège à Bordeaux. Il y prêche le pragmatisme. La loi du nombre commande, soyons sérieux, faisons ce que nous pouvons et pas nécessairement ce qui serait juste. Nous sommes le 1er mars 1871, à Bordeaux, Jules Grévy préside. La parole est à M. Edgar Quinet, député de la Seine. Messieurs, toute négociation serait impossible si l'on admettait d'avance, sans examen, que la paix est le seul refuge de la France. La vérité, la raison, l'amour du pays exigent le contraire. Je dis que les ressources de ce peuple sont encore immenses et que plus d'une nation s'est relevée d'une situation pire que la nôtre. Maintenant, voyons ce que veut l'ennemi. Jusqu'ici, les conquérants se contentaient de mettre la main sur un territoire, de s'en emparer par la force. C'était le droit de la guerre. Aujourd'hui, les prétentions de la Prusse sont toutes nouvelles. Après avoir saisi l'Alsace et la Lorraine, elle prétend faire voter, consacrer cette prise de possession par le suffrage universel. C'est vrai ! Ce qui n'est jusqu'ici qu'une déprédation deviendrait ainsi le droit consenti par les Français. Ici se montre la pensée intime des puissances allemandes. Elles veulent que la France se poignarde avec son suffrage universel. Il a raison ! Bravo ! Faire servir une assemblée nationale à démembrer la nation, voilà le dessein de l'ennemi. Oui ! Ainsi l'esprit féodal allemand se vengerait de nos libres institutions démocratiques en faisant d'elles l'instrument de notre ruine. C'est là la pensée de la Prusse. Obliger la France à se mutiler elle-même. Faire de la France un peuple tributaire de 5 milliards à la manière des peuples asservis de l'Antiquité. Voilà le droit nouveau allemand où se mêle la haine féodale à la haine de race. Bravo ! Mais ces principes de mort, pouvons-nous y souscrire ? Et où chercherais-je le droit de livrer des populations qui ne veulent pas être livrées ? Vous le savez comme moi, une assemblée ne peut pas faire ce qu'elle veut. Or, s'il est une vérité consacrée, c'est que l'Alsace et la Lorraine font partie intégrante et nécessaire de la France. Ouais. Cette terre d'Alsace et de Lorraine crie « Je suis France, je veux rester France. Il n'appartient qu'à la force de soutenir le contraire. » Souvent, nous entendons répéter « L'Alsace et la Lorraine sont des provinces intéressantes, mais songez à la France. » La question, messieurs, est ainsi mal posée. L'Alsace et la Lorraine ne sont pas seulement deux provinces. Elles sont les deux boulevards de la France. Bravo ! Elles en sont les deux remparts. Ôtez-les à la France et elle est ouverte à l'ennemi. Que la Prusse possède ses remparts et la Prusse peut s'étendre à son gré dans la France centrale. Elle peut déborder sans trouver d'obstacle jusqu'à la Marne. L'ennemi est maître chez nous. Il est à perpétuité sur le chemin de Paris. Il tient la France à la gorge. C'est vrai, il a raison. Est-ce là, je vous le demande, une paix ? Non. C'est la guerre à perpétuité sous le masque de la paix. Si c'est là ce que demande la Prusse, il est donc bien vrai qu'elle veut non pas seulement notre déchéance, mais notre anéantissement. Or, c'est là ce que je ne signerai jamais. Si le présent est funeste, sauvons au moins le lendemain. Et nous le pouvons qu'en repoussant les préliminaires de paix qui détruisent à la fois le présent et l'avenir. Bravo ! Et le moyen. Et le moyen. Messieurs, députés de la Moselle et Strasbourgeois de naissance, je viens vous adjurer de repousser le traité de paix et de honte qui est apporté devant vous. Que celui qui parle de honte vienne me le dire en face. La honte est pour ceux qui ne se sont pas battus. Messieurs, Strasbourg n'a pas manqué à son devoir. Il s'est laissé écraser. Strasbourg s'est dévoué pour la France. Et la France lui dit aujourd'hui, je suis vaincu, je suis fatigué, je ne puis rien pour toi, je te laisse à la Prusse. Tes enfants deviendront des soldats prussiens qui combattront contre mes propres enfants. Le frère revêtu du képi combattra contre le frère revêtu du casque. Mais cette pensée fait bondir mon cœur d'indignation. Et le sang versé alors de cette manière impie retombera sur vos têtes. Il y a des moments où une nation se trouve placée entre un avenir plein de souffrances et un repos avilissant. Dans des cas de ce genre, une nation qui se respecte n'hésite pas, elle se prépare à la douleur. C'est ainsi que vous agirez si vous ne voulez pas braver le passé de la France qui vous engage et le jugement de la postérité qui vous attend. Et les moyens ? Dites-nous par quels moyens ? Bon, messieurs, un peu de calme, nous sommes dans des circonstances graves. Ne me mettez pas dans la nécessité de suspendre la séance. La parole est à Monsieur Victor Hugo. Oh, député. Monsieur Hugo, député de la Seine. Messieurs, Paris en ce moment est sous le canon prussien. Rien n'est terminé et Paris attend. Paris, depuis 5 mois, Paris combattant, fait l'étonnement du monde. Paris, en 5 mois de République, a conquis plus d'honneur qu'il n'en avait perdu en 19 ans d'Empire. Ces 5 mois de République ont été 5 mois d'héroïsme. Paris a fait face à toute l'Allemagne. Une ville a tenu en échec 10 peuples coalisés. ce flot des hommes du Nord qui, plusieurs fois déjà, a submergé la civilisation. Paris a combattu cela. 300 000 pères de famille se sont improvisés soldats. Ce grand peuple parisien a créé des bataillons, fondu des canons, élevé des barricades, creusé des mines, multiplié ses forteresses, gardé son rempart. Et il a eu faim. Et il a eu froid. En même temps que tous les courages, il a eu toutes les souffrances. C'est vrai, c'est vrai. Les énumérer n'est pas inutile. L'histoire, écoute. Plus de bois, plus de charbon, plus de gaz, plus de feu, plus de pain. Un hiver horrible, la Seine charriant 15 degrés de glace, la famine, le typhus, les épidémies, la dévastation, la mitraille, le bombardement. Paris, à l'heure qu'il est cloué sur sa croix et saigne aux quatre membres. Eh bien, cette ville, qu'aucune n'égale dans l'histoire, cette ville que les Prussiens peuvent souiller, mais qu'ils n'ont pas prise. Allez, allez, Paris nous a donné un mandat, c'est de voter contre le démembrement de la patrie. Bravo. Paris, Paris a accepté pour lui les mutilations, mais il n'en veut pas pour la France. Paris se résigne à sa mort, mais non à notre déshonneur. La Prusse est sans droit. Les Prussiens sont vainqueurs, soit. Maîtriseront-ils la France? Non. Non dans le présent, peut-être. Dans l'avenir, jamais. Les Anglais ont conquis la France. Ils ne l'ont pas gardé. Les Prussiens investissent la France. Ils ne la tiennent pas. Toute main d'étranger qui saisira ce fer rouge, la France, le lâchera. Car la France est quelque chose de plus qu'un peuple. Non, la France ne périra pas. Non, quelle que soit la lâcheté de l'Europe. Non, sous tant d'accablement, sous tant de rapines, sous tant de blessures, sous tant d'abandon, sous cette guerre scélérate, sous cette paix épouvantable, notre pays ne succombera pas. Non. Non, non, non, non. Oh. Oh, une heure sonnera. Nous la sentons venir, cette revanche prodigieuse. Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, dès demain, cela va commencer. Dès demain, la France n'aura plus qu'une pensée. Se recueillir, reprendre des forces, élever ses enfants, nourrir de sainte colère ses petits qui deviendront grands, forger des canons et former des citoyens, créer une armée qui soit un peuple, appeler la science au secours de la guerre, se fortifier, s'affermir, se régénérer, redevenir la grande France, la France de 1792, ouais, la France de l'idée, la France, ouais, de l'épée. Ouais. Oui! Oui! Tout à coup, un jour, elle se redressera. Oh, elle sera formidable! On la verra d'un bond ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace. Oui. Est-ce tout? Non! Comment, non? Non! Si. Non! Saisir Trèves! Saisir Mayence, non, saisir Cologne, Coblence. Non, non, non, écoutez-moi, messieurs, de quel droit une assemblée française interrompt-elle l'explosion du patriotisme? On verra la France se redresser, on la verra ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace. Et puis, est-ce tout? Non, si, non, si, écoutez-moi, si, donc, messieurs, est-ce, si, tout? Non, saisir Trèves, Mayence, non, Coblence, non, Cologne, non, toute la rive gauche du Rhin. Arrêtez-vous, arrêtez. Messieurs, je parlerai et vous m'entendrez. Non. Et on entendra la France crier « C'est mon tour, Allemagne. Me voilà. Suis-je ton ennemi ? Non, je suis ta sœur. Je t'ai tout repris et je te rends tout à une condition. C'est que nous ne ferons plus qu'un seul peuple, qu'une seule république. Je vais démolir mes forteresses, tu vas démolir les tiennes. Ma vengeance, c'est la fraternité. Plus de frontières. Le Rhin à tous. Soyons la même république. Soyons les États-Unis d'Europe. Soyons la fédération continentale. Soyons la liberté européenne. L'Europe et ce siège de Paris, plus terrible, plus monstrueux que le siège de la Rome impériale, que celui de la Constantinople par Mahomet II, ce siège. L'histoire, je le demande. Pourra-t-elle l'enregistrer sans se demander avec stupeur ce que pendant ce temps-là faisait l'Europe ? Messieurs, nous avons entendu M. Louis Blanc. Retrouvez, s'il vous plaît, le calme qui sied à cette assemblée. Je vous en prie. L'impossibilité actuelle de la lutte n'est-elle malheureusement pas démontrée ? Si la guerre avait été encore possible, j'ose affirmer que la signature de l'honorable M. Thiers ne serait pas au bas de ce douloureux traité. Mais non, c'est... La parole, justement, est à M. Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif. Messieurs, s'il y avait à mes yeux une seule chance de soutenir la lutte, de la soutenir heureusement, jamais je ne me serais imposé une douleur qui a été une des plus grandes de ma vie. C'est faux, c'est faux. C'est la conviction absolue que j'ai de l'impossibilité de continuer cette lutte qui m'a contraint à courber la tête de force sous le joug de l'étranger. Messieurs. Oui, ma conviction profonde, c'est qu'en faisant la paix aujourd'hui, c'est l'avenir du pays que nous sauvons. C'est sa future grandeur que nous assurons. Il n'y a que cette espérance, et cette espérance seule qui ait pu me décider. Je supplie tout le monde de rentrer en lui-même, de s'interroger et de se répondre, et de répondre aussi au pays par un vote qui ne puisse laisser aucun doute. Oui, il faut avoir le courage de son malheur. Il n'y a que cette manière de le relever. Pas de faux patriotisme. Pas de faiblesse. Pas à nous. Ayons tous le courage de ce que nous faisons. Mais nous sommes encore en état de lutter, partout et longtemps, avec de grands efforts et une bonne direction venant d'un pouvoir exécutif convaincu, il est possible de rétablir nos armées et de continuer la lutte. Oui. Vous comprendrez, messieurs, que la parole puisse être donnée à monsieur Émile Keller, notre collègue du Haut-Rhin. Messieurs, dans cette situation spéciale qui nous est faite, j'entends dire de tous côtés, vous, députés de l'Alsace, vous pouvez voter contre le traité, mais nous le voterons. C'est vrai, nous avons quelque chose de spécial. Notre honneur à nous, nous reste entier. Pour rester français, nous avons fait tous les sacrifices et nous sommes prêts à les faire encore. Nous voulons être français et nous resterons français. Bravo ! Et il n'y a pas de puissance au monde. Il n'y a pas de signature, ni de l'Assemblée, ni de la Prusse, qui puisse nous empêcher de rester français. Ce traité est une atteinte à l'honneur français. Oui. Et ce n'est pas seulement comme Alsacien, c'est comme Français que j'en souffre pour mon pays. Ah, je comprends, messieurs, qu'on livre des pierres, des forteresses, des vaisseaux. Mais vous livrez à l'Empire d'Allemagne des populations entières, dont les enfants seront obligés de servir les desseins despotiques de l'Empire d'Allemagne. Obligés, au moins, par le texte du traité. Car, je vous le dis d'avance, il y en a beaucoup qui, au péril de leur vie, échapperont à la servitude que vous leur avez édictée. Il a raison ! Eh bien, à mes yeux, c'est là la plus criante, la plus cruelle des injustices. Et se faire le complice d'une injustice, la ratifier, pour moi, c'est un déshonneur. Ce traité qu'on me propose de ratifier est une injustice, et en même temps, c'est un mensonge. On vous dit qu'on cède à perpétuité l'Alsace. Je vous déclare que l'Alsace restera française. Au fond du cœur, vous-même le pensez. Oui. Oui. Oui, vous pensez que l'Alsace est française. Vous voulez la reconquérir le plus tôt possible. Vous voulez qu'elle redevienne française. Et je défie qui que ce soit de dire le contraire. Et cependant, dans votre traité, vous venez de dire que vous cédez à perpétuité la propriété et la souveraineté de l'Alsace. Eh bien, ce traité est un mensonge. Et un mensonge, c'est un déshonneur. Indiquez-nous une rédaction. Quant à moi, je suis convaincu que si la France avait été plus fermement résolue à l'avance de ne pas sacrifier son territoire, si la Prusse, qui désire aussi la paix, avait été certaine de trouver sur ce point des barrières infranchissables, elle nous aurait fait d'autres conditions. Je n'ai pas, à l'heure qu'il est, la prétention de changer les dispositions trop arrêtées dans un grand nombre d'esprits. Seulement j'ai tenu, avant de quitter cette enceinte, à protester comme Alsacien et comme Français contre un traité qui, à mes yeux, est une injustice, un mensonge et un déshonneur. Bravo ! Et si l'Assemblée devait le ratifier, d'avance, j'en appelle à Dieu, vengeur des justes causes. J'en appelle à la postérité qui nous juge, les uns et les autres. J'en appelle à tous les peuples qui ne peuvent pas indéfiniment se laisser vendre comme un vil bétail. Bravo ! J'en appelle à l'épée de tous les gens de cœur qui, le plus tôt possible, déchireront ce détestable traité. Ouais. Donnez-nous les moyens. Les moyens. Alors, il ne faut pas nous donner des paroles. La levée en masse ! Que les 750 représentants se mettent à la tête de la France et vous sauverez la France. Que la France tout entière se soulève. J'ai conduit les négociations avec tout le patriotisme dont j'étais capable. J'ai lutté de toutes mes forces pendant des jours entiers. Je n'ai pas pu faire mieux que je n'ai fait. C'est faux. Si vous croyez pouvoir obtenir de meilleures conditions, envoyez d'autres négociateurs. Vous me soulagerez d'un poids accablant. Si vous croyez avoir des moyens militaires, venez ici, nous les exposer. Ne parlez pas d'honneur devant des gens qui en ont autant que vous. Autant que vous, mais qui mettent leur honneur à ne pas risquer de perdre leur pays pour une fausse popularité qu'on non. vient courtiser à cette tribune. Non. Pour ma part, quand je dis que nous ne pouvons pas lutter aujourd'hui, je ne doute pas de la puissance de la France. Je veux conserver l'espérance. Sans l'espérance, je ne pourrais pas vivre. Je veux seulement vous dire que notre organisation militaire a été brisée et que vous ne pouvez pas la refaire en quelques jours. Les paysans, les citoyens, quelque courageux qu'ils soient, s'ils ne savent pas la guerre, ne peuvent être de vrais soldats. Vous feriez détruire la France. Vous l'appauvririez. Vous feriez disparaître ses dernières ressources. Et vous lui ôteriez les moyens d'arriver à cet avenir que vous souhaitez pour elle et que moi, j'entrevois avec la seule satisfaction que je puisse ressentir aujourd'hui. Oui. Oui, messieurs. Vous voulez pour la patrie d'autres destinées ? Je le veux aussi. Pour cela, il faut que vous sachiez la vérité. Il faut que vous ayez le courage de vous la dire à vous-même et de la croire. C'est alors seulement que vous serez une nation sérieuse et que vous mériterez des destinées meilleures. Mais tant que vous vous payerez de mots et de déclamations, je n'hésite pas à le déclarer, on ne vous prendra pas au sérieux et vous ne mériterez pas, en effet, d'y être pris. Messieurs, le moment est grave. Je mets aux voix le traité de paix et je vais procéder au scrutin à main levée. Contre la ratification du traité de paix, 107. Pour la ratification du traité, 546. L'Assemblée a adopté le traité de paix. Messieurs, je suis chargé par tous mes collègues des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de vous lire la déclaration suivante. Les représentants de l'Alsace et de la Lorraine ont déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration affirmant de la manière la plus formelle au nom de ces provinces, leur volonté et leur droit de rester françaises. Livrées au mépris de toute justice et par un odieux abus de la force à la domination de l'étranger, nous avons un dernier devoir à remplir. Nous déclarons, encore une fois nul et non avenu, un pacte qui dispose de nous sans notre consentement. Très bien, bravo! Au moment de quitter cette enceinte, où notre dignité ne nous permet plus de siéger, et malgré l'amertume de notre douleur, la pensée suprême que nous trouvons au fond de nos cœurs est une pensée de reconnaissance pour ceux qui, pendant 6 mois, n'ont pas cessé de nous défendre, et l'inaltérable attachement à la patrie dont nous sommes violemment arrachés. Oui. Nous vous suivrons de nos vœux, et nous attendrons avec une confiance entière dans l'avenir que la France régénérée reprenne le cours de sa grande destinée. Vos frères d'Alsace et de Lorraine, séparés en ce moment de la famille commune, conserveront à la France, absente de leur foyer, une affection filiale jusqu'au jour où elle viendra y reprendre sa place. Keller, le député d'Alsace, ici interprété par Christian Gonon, tend le texte de cette déclaration, tel un défi, au chef du pouvoir exécutif, Thiers, ici interprété par Michel Favori. Nous étions au Vieux Colombier avec des comédiens du français. Bruno Raffaelli interprétait Victor Hugo, Christian Blanc, Edgar Quinet. Dans la salle, Alexis Chevalier et Grégoire Roqueplot, les interrupteurs. L'émission a été préparée pour la restitution fidèle des textes par Isor Pisani-Ferry, à la réalisation Stéphane Ronxin, à la technique Olivier Berotte, Gilles Manet et Olivier Leroux.